Ce qui est calme est aisé à maintenir. Ce qui n'a pas encore paru est aisé à prévenir. Ce qui est faible est aisé à briser. Ce qui est menu est aisé à disperser. Arrêtez le mal avant qu'il n'existe. Calmez le désordre avant qu'il n'éclate. Un arbre d'une grande circonférence est né d'une racine aussi déliée qu'un cheveu. Une tour de 9 étages est sortie d'une poignée de terre. Un voyage de 1000 lis a commencé par un pas. Celui qui agit échoue. Celui qui s'attache à une chose la perd. De là vient que le saint n'agit pas. C'est pourquoi il n'échoue point. Il ne s'attache à rien. C'est pourquoi il ne perd point. Lorsque le peuple fait une chose, il échoue toujours au moment de réussir. Soyez attentifs à la fin comme au commencement, et alors vous n'échouerez jamais. De là vient que le saint fait consister ses désirs dans l'absence de tout désir. Il n'estime point les biens d'une acquisition difficile. Il fait consister son étude dans l'absence de toute étude et se préserve des fautes des autres hommes. Il n'ose pas agir afin d'aider tous les êtres à suivre leur nature.